premier extrait que nous allons vous faire entendre est tiré, j'avais dit qu'il fallait que je prépare le livre, est tiré d'une pièce qui s'intitule « Qui d'autre ?». Il y est question de deux couples qui portent le même patronyme. Enfin, presque le même patronyme, puisque l'un des deux s'écrit avec un accent. Mais, comme vous le savez, l'accent fait toute la différence. On pourrait dire qu'on n'a rien vu venir. Oui, je pense qu'on pourrait dire ça. Et c'est vrai qu'on était là, ma femme et moi, comme chaque soir, en train de dîner, avec notre plateau devant la télé, quand soudain, à la porte... Non, pas ding-dong, corrige ma femme, pas ding-dong, toc, toc, toc. Nous n'avions pas de sonnette à l'époque, mon chéri. C'est un détail, peut-être... Mais tout est important quand on fait l'effort de se souvenir, surtout les détails. Je reprends donc. Quand soudain, à la porte... Qui est là ? Ai-je demandé un peu inquiet en me renfonçant dans mon fauteuil parce que j'avais entendu un chien aboyer et que j'ai peur des chiens. Qui est là ? C'était deux hommes, bien mis, bien polis, qui nous ont demandé comme ça si nous étions bien Monsieur et Madame Kenmar. Avec ou sans accent ? A tout de suite demandé ma femme avant qu'ils n'écorchent davantage notre nom. Ils ont paru surpris. Ben oui, a-t-elle précisé, car l'accent fait toute la différence, voyez-vous, messieurs. Avec, on prononce Kenmar, en faisant bien racler l'air final au fond de la gorge. Sans, Kenmarche, comme pour rimer avec triomphal, si vous me suivez toujours. Vous avouerez que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, avec ou sans, a-t-elle répété ? Ils ont hésité, sorti un papier de leur poche, déplier le papier, examiner le papier et décréter solennellement avec. Alors, dans ce cas, avons-nous répondu d'un ton faussement désolé en réponse à votre question ? Non, messieurs, nous ne sommes pas. Par contre, voyez-vous, a fait remarquer ma femme, nous étions bien là, tous les deux, en train de dîner, quand vous avez frappé, et ça refroidit. Je veux dire, dans nos assiettes, ça refroidit dans nos assiettes. Parce que les Quenmar, messieurs, et je dis comme ils avaient quand même l'air un peu contrariés, c'est à l'étage en dessous. Nous sommes les Quenmarsh. Monsieur et Madame Quenmarsh, a renchéri ma femme, pour vous servir, mais seulement entre les repas, souvenez-vous. Et toc. Bon, elle l'a peut-être pas dit comme ça, mais elle l'a pensé, si fort d'ailleurs, qu'ils n'ont pas demandé leur reste. Ils ont claqué la porte et sont partis voir en dessous. On a encore entendu un chien aboyer, et puis plus rien. Faut dire qu'on avait monté le son de la télévision. Aimaient pas beaucoup. Disons plutôt qu'on ne leur parlait pas beaucoup. Ou alors, comme ça, bonjour, bonsoir. C'était des gens qui n'avaient pas de conversation. Ou alors, pas des conversations comme les nôtres. Parce que nous, on n'hésite pas à parler de tout et de rien avec les voisins. De la pluie, du beau temps, de la santé des uns et des autres, du chien qu'on promène et du poisson rouge qui a crevé. Alors qu'ils n'aimaient pas. Quand on les rencontrait dans la cour ou l'escalier, c'était toujours « ça va bien, merci ». Puis ils filaient ou vous fermaient la porte au nez. À croire qu'ils avaient quelque chose à cacher, disait ma femme. Là-dessus, je lui ai dit qu'elle exagérait. C'était des gens simples comme nous, mais qui n'aimaient pas parler, c'est tout. Simple comme nous, m'a-t-elle repris, si tu avais vu ce que les services du domaine ont emporté dans leur caisse, simple comme nous, je veux bien, mais on n'avait pas à l'époque le dixième de ce qu'ils avaient. D'accord, ai-je dit, mais ce n'était pas une raison. Et sur ce point, on en convenait tous les deux. Ce n'était pas une raison, mais on n'avait rien vu venir. Enfin, on pourrait dire ça, on n'a rien vu venir. Rien vu venir. Dans un sens, faut nous comprendre, disait ma femme, encore qu'on n'a pas à se justifier. Quand les temps sont durs, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Ça a toujours été comme ça, toujours et partout. Il ne sert à rien de nier notre part animale. Se nourrir et se reproduire, ça en fait partie. C'est animal, ça, et on n'y peut rien. De même qu'agrandir son territoire. Quoi qu'il en soit, disait-elle, la question n'est pas là pour ce qui nous concerne. Nous n'avons rien pris à qui que ce soit, nous avons emprunté. À long terme, certes, mais emprunté. Et pas de risque qu'on oublie. D'ailleurs, comment pourrait-on oublier ce temps-là ? C'était un temps déraisonnable. On vivait de peu et à l'étroit. Dessous, il y avait un appartement inoccupé. Nous y avons installé nos enfants. Où est le mal ? Nous avons ouvert une trappe, posé un escalier. C'est ça le mal ? C'est ça le mal ? La question n'est pas là, ai-je dit. Je constate simplement que les enfants se sont installés là, comme chez eux. Couchent dans des lits qui ont accueilli les corps d'inconnus, mangent dans des assiettes marquées aux initiales d'inconnus, se reflètent dans des miroirs qui ont reflété des visages d'inconnus. Sur quoi ? Elle m'a répondu sèchement que primo, c'était pas des inconnus, mais nos voisins les Quenmars, qu'on connaissait quand même un peu, même si on leur parlait pas beaucoup. Secondo, pour les initiales, on se partage le cul, ce qui compte déjà pour moitié, non ? Tertio, depuis quand les choses gardent-elles mémoire de ceux qui les ont possédées ? Par contre, je l'ai repris sur le tertio. Pourquoi tu as dit de ceux qui les ont possédés, hein ? Pourquoi je l'ai coupé ? Pourquoi tu n'as pas dit de ceux qui les possèdent ? Car jusqu'à preuve du contraire. Enfin, m'a-t-elle secoué, sois un brin lucide. Tu sais bien que les Quenmars, enfin, tu sais bien. Et comme ils ne sont pas revenus, on peut penser. D'ailleurs, tout le monde est en droit de penser. Et tout le monde s'en fout, j'ai lancé. Tout le monde à commencer par nous. Ben, pourquoi tu dis ça, c'est-elle renfrognée ? On ne s'en fout pas, nous. Mais on ne peut pas non plus se sentir coupable pour quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Ou si tu préfères, qu'on pourrait dire ne pas avoir vu venir. Quant à ce qui restait dans l'appartement, tu sais très bien que ça n'avait pas beaucoup de valeur. Là-dessus, je me suis presque fâché. Mais que ça ait ou non de la valeur, importe peu, ai-je dit. Ces choses-là, lit, vaisselle, miroir et l'appartement qui les contient, ne nous appartiennent pas. Un point, c'est tout. Quoi ? A-t-elle demandé. Et tu proposes quoi ? De tout rendre, j'ai répondu. De tout rendre à qui ? A-t-elle soupiré. De tout rendre à qui ? Puisqu'il n'y a plus personne. Et bien justement, ai-je rétorqué, de tout rendre à personne. On démonte l'escalier, on referme la trappe et on rend tout au vide. Au vide et au silence. Et on oublie. Du moins, on s'efforce d'oublier. Et les enfants, a-t-elle demandé. Et les enfants. On leur expliquera, ai-je dit. On leur expliquera. Désolé, mes chéris, a-t-elle ironisé, mais votre père vous jette à la rue pour rendre l'appartement à personne. Désolée. Désolé. Enfin, lui ai-je demandé tout à trac. Il ne t'est jamais venu à l'idée qu'il pourrait revenir, qui, les enfants ? Non, les Quenmar. Non, a-t-elle dit. Que leurs enfants, ai-je ajouté, qui ont l'âge des nôtres, pourraient revenir ? Non, a-t-elle dit. Eh bien, moi, si, vois-tu, ai-je répliqué. Et plus le temps passe, plus j'y pense. Tu vieillis mal, mon chéri, a-t-elle dit. Et même, ai-je encore ajouté, plus le temps passe, plus je me dis qu'on a tout vu venir et qu'on n'a rien fait contre. Tu vieillis mal, mon chéri, a-t-elle répété, et en plus, tu te contredis. Là-dessus, j'ai poussé un gros soupir et me suis affaissé dans mon fauteuil. En tout cas, a-t-elle encore ironisé, moi pour l'instant, ce que je vois venir, c'est un bel orage. avec des éclairs en point d'interrogation. On leur expliquera, j'ai dit. Je leur expliquerai si tu veux. Sur quoi ? Elle a éteint la télévision et d'un coup, dans le salon, ça a été le noir total. Quelque part, au loin dans la rue, puis plus proche, au pied de l'immeuble, dans l'escalier, il m'a semblé entendre un chien aboyer. Et puis... Non, pas toc toc toc, ding dong. Ding dong, mon chéri. Nous avons une sonnette maintenant. Nous avons une sonnette. Nous avons une sonnette.